J't'ai perdu dans tes yeux doux et je crois que tout me semble fou. Je me dis que c'est un souvenir, je t'ai vu partir. Maintenant, je crois que je sais plus. Et sans toi, je me suis perdue. Et je m'accroche au souvenir, je t'ai vu partir. Je peux plus te dire tout ce que je ressens. J'ai l'impression d'avoir comme perdu du temps. J'aimerais nous revoir comme dans la vie d'avant. T'étais là avant. J'aimerais te dire que j'aimais tes cheveux. J'aimais la sensation de tomber dans tes yeux. J'aimerais nous revoir comme dans la vie d'avant. T'étais là avant. Te revoir, je suis dans le noir, t'es dans le ciel. Et moi le soir, je fais que te revoir, ouvrir tes ailes. Je veux te revoir, je suis dans le noir, toi t'es parti. De prendre de la distance, de m'éloigner des gens qui dansent, ça fait revenir tous les souvenirs. Je t'ai vu partir. Dis-moi comment je peux oublier les mots d'amant, ceux du passé. Je veux pas me souvenir des souvenirs. Je t'ai vu partir. Je peux plus te dire tout ce que je ressens. J'ai l'impression d'avoir comme perdu du temps. J'aimerais nous revoir comme dans la vie d'avant. T'étais là avant. J'aimerais te dire que j'aimais tes cheveux. J'aimais la sensation de tomber dans tes yeux. J'aimerais nous revoir comme dans la vie d'avant. T'étais là avant. Je te vois, je suis dans le noir, t'es dans le ciel. Et moi le soir, je fais que te revoir, ouvrir tes ailes. Je veux te revoir, je suis dans le noir, toi t'es parti. Et moi le soir, je comprends enfin que c'est fini. Je suis dans le noir, toi t'es partie.